bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, bonjour ma bossia, C'est pour petit jus papaye. Côté tu fais papaye dans le bureau pour lâcher cadavre grand monde. Pour comprendre moi. Et puis, c'est plus important. Donc, on n'a pas le fidèle grand monde. On va le fidèle. Fidèle, maman. Ou bien, vous sautez la carrière avec un petit au 3-8e. Ou après, on peut mettre dans le nez. L'autre côté, là, on va bailler dans la rue. Parce que quand on a un bon foule, on va regarder ça. C'est où on va la bailler là, oui. C'est ouf là, oui. C'est ouf là. Papa, papa, Léo. Madame Mina, tête pour colo, ouais. Madame Mina, tête pour colo.